عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل قراءتنا في كتاب القواعد في أسماء الله جل وعلا الحسنى وما زلنا في دراسة القاعدة الثانية وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى عند شرح حديث القدسي قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار قال المصنف رحمه الله فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيده الأمر أو بيد الأمر أقلب الليل والنهار فقال في شرح هذا الحديث ثم تأمل ثم إن من تأمل الحديث علم أنه ليس المراد أن يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن من أسماء الله الدهر أي فيما يروي عن ربه عز وجل حيث إن الله تعالى قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ولم يقل يسبني ولو كان يريد الدهر هو الله لقال يسبني وأنا الدهر Donc on va continuer inshallah sur l'étude des règles concernant les noms parfaits d'Allah عز وجل et ses attributs de perfection. Et donc, on s'était arrêté, dans la dernière assise, lors de l'évocation d'un hadith, l'auteur mentionne le célèbre hadith qui est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et c'est un hadith qu'on appelle Qudusi. Souvent traduit par les hadiths divins. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'Allah a dit. Et comme on verra, ça ne fait pas partie du Coran. Mais ce sont des récits qu'on appelle divins. Une traduction rapprochée. Et donc là, l'auteur, à la fin de la deuxième règle, il mentionne le hadith que vous pourrez retrouver aussi bien dans l'authentique de l'imam al-Bukhari que vous pourrez retrouver aussi dans l'authentique de l'imam muslim. Il a rapporté dans les deux authentiques. Où le prophète rapporte qu'Allah a dit « L'enfant d'Adam m'offense lorsqu'il insulte Ad-Dahr ». On peut rester maintenant sur le terme « Ad-Dahr » qui est le temps et l'époque. Et Allah dit « Alors que je suis Ad-Dahr »« Biyadi al-Amr » Et Allah dit que toute l'affaire est entre ses mains, lui appartient. Et il fait alterner la nuit et le jour, comme c'est relaté dans le récit. Et donc l'auteur nous dit, certains savants ont déduit de ce récit, de ce hadith-là, que Ad-Dahru fait partie des noms sublimes d'Allah Azza wa Jal, de l'Asma al-Husna. Et ça, on l'avait dit, c'est l'avis de certains savants, en l'occurrence Ibn Hazm, qu'Allah lui accorde la miséricorde. Mais l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymeen, dit que la vie le plus juste, c'est que Ad-Dahr ne fait pas partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Car il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rapporte ce hadith-là d'après son Seigneur, pourquoi ? Parce que comme on le verra, al-Hadith al-Qudsi, c'est lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporte d'après Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal a dit, une traduction rapprochée, du récit, l'enfant d'Adam, Ibn Adam, Yu'zain Ibn Adam. L'enfant d'Adam m'offense lorsqu'il insulte le temps. Mais il dit, Allah Azzawajal n'a pas dit lorsqu'il m'insulte. Lorsqu'il m'insulte. وَلَوْ كَانَ يُرِيدْ أَنَّ الدَّهْرُ هُوَ اللَّهُ. Et si le sens était que الدَّهْرُ, ce qu'on traduit par le temps, c'était véritablement Allah, alors لَقَالَ يَسُبُّنِي, il m'insulte alors que je suis الدَّهْرُ. Mais c'est pas ça qui est cité dans le hadith. C'est pour ça que beaucoup de savants, et en l'occurrence c'est l'avis de l'auteur, que الدَّهْرُ ne fait pas partie de l'asma الحسنى. ثم قال ثم إن الله تعالى قال وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار يعني أن الذي يسبون الدهر يقولون هذه سنة جائرة أو يسبون ما وقع فيه مثل قول بعض السفهاء هذه عاصفة هوجاء أو ما أشبه ذلك مما يطلقونه على ما يحدثه الله عز وجل من العواصف والقواصف والنوازل فكل هذا محرم وقد يصل إلى حد الكفر الذين يسبون الدهر لا يقع في نفوسهم أنهم يسبون الله أبدا إنما يسبون الزمان أو المكان والدليل على هذا أنه تعالى قال أقلب الليل والنهار فالدليل فالليل عفوا فالليل والنهار وهما الدهر مقلبان ومعلوم ان المقلب غير المقلب. Et donc je vous relis là, je suis en train de lire le commentaire. Pourquoi on relit pas le matin, puisque hier on a fini la lecture du matin, on avait lu la fin de la deuxième règle en arabe et en français, en arabe et en français. Donc là on conclut l'étude de la deuxième règle avec le commentaire. Et donc, je vous fais part de ces fawaïd, de ce commentaire du Cheikh. Pourquoi ? Parce que Cheikh Ibn Al-Thaymin explique maintenant le récit. Et c'est très pertinent. Donc, il dit lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit dans ce récit, et moi je suis Ad-Dahr. Et ensuite, il dit que l'affaire lui appartient, c'est lui qui alterne la nuit avec le jour. Il dit certains, ou il dit يعني أن الذين يسبون الدهر, par exemple, Allah Azza wa Jal fait référence à ceux qui insultent le temps, ceux qui insultent الدهر. Et donc, par exemple, on dit le temps parce que ça peut être l'époque. Ça peut, par exemple, à un moment ou bien à une époque. Comme par exemple, ils disent سنتون جائرة, c'était une année injuste. Ou bien يسبون ما وقع فيه, ou bien ils insultent ce qui s'est passé en cette année. Ils insultent soit l'année, ou bien ils insultent l'événement qui s'est passé en cette année. مثل قول بعض السفهاء, par exemple, lorsque certains disent, lorsqu'ils veulent décrire une tempête, ils disent par exemple, c'était une tempête d'enfer, ou une tempête abusive. Par exemple, ils la décrivent de la sorte. وَمَا أَجْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُطْلِقُونَهُ عَلَى مَا يُحْدِثُهُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ. Et d'autres sobriquets ou d'autres insultes, alors que c'est Allah Azza wa Jal qui a décrété que telle chose allait se passer en telle année, que tel événement allait se produire en telle époque. C'est Allah Azza wa Jal qui a prédestiné et décrété ces événements qui se passent en ces moments, en ces jours, en ces années-là, ou en cette époque-là. فقال ما يحدثه الله من العواصف والقواصف والنوازل والنوازل. فقال فكل هذا محرم. C'est-à-dire que les calamités, les épreuves, les tempêtes ou autre chose comme cela, comme de grands ouragans ou des séismes ou autres, lorsqu'ils se produisent, c'est Allah Azza wa Jal qui les a décrétés. فَكُلُّ هَذَا مُحَرَّمْ. Donc, insulter le temps, c'est-à-dire l'époque ou la période où se sont produits ces événements, ces épreuves-là, ces malheurs-là, ces calamités-là, en réalité, cela ne doit pas provenir du croyant. Cela est interdit. Qala fahadha muharram. C'est strictement interdit. Wa qad yasilu ila hadd al-kufr. Et ça peut même mener la personne vers al-kufr, vers la mécréance. Wa alladhina yasubuna ad-dahr. Mais en général, ceux qui insultent le temps ou l'époque, une période, en réalité, ils ne veulent pas, au fond de eux-mêmes, insulter Allah Azza wa Jal. En réalité, ils n'insultent pas le Créateur. Abadan, il dit. Innama yasubbuna az-zaman aw al-makan. Mais eux, ce qu'ils insultent, c'est la période, le temps où s'est produit l'événement, ou bien al-makan, ou bien le lieu. Mais sinon, au fond d'eux-mêmes, ce n'est pas insulter Allah Azza wa Jal. والدليل على هذا أنه تعالى قال أقلب الليل والنهار. Et la preuve que Ad-Dahr ne fait pas partie des noms sublimes d'Allah Azza wa Jal, ils disent qu'il faut savoir, c'est que Ad-Dahr, donc les jours, les nuits font partie du temps. Et Allah Azza wa Jal dit que lui, il alterne le temps. Allah Azza wa Jal est celui qui fait alterner la nuit et le jour. Donc, Allah Azza wa Jal huwa al-muqallib. Huwa al-muqallib. Allah est celui qui fait alterner. Par contre, le temps, les jours, les nuits, par contre, eux sont alternés. Et Allah Azza wa Jal ne peut pas être l'alterné. Donc le temps, lui, est alterné. Et Allah est celui qui alterne. Subhanahu wa ta'ala. وعليه فيتبين أن يكون معنى قوله وأنا الدهر أي أنا مصرف الدهر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui fait ce qu'il veut. Et c'est lui qui fait alterner le temps. هو المصرف سبحانه وتعالى. أقلب الليل والنهار. نحن بهذا لم نعدل عن الظاهر. الشيخ dit: en faisant cela et en expliquant cela de la sorte, il dit, on ne s'est pas éloigné du sens apparent. On ne s'est pas, et là c'est très important ce qu'il dit, on ne s'est pas éloigné du sens apparent. Regardez ce qu'il dit, notez bien cette phrase. On ne s'est pas éloigné, on n'a pas laissé, on ne s'est pas écarté du sens apparent. Pourquoi il dit ça? On ne s'est pas écarté du sens apparent. Et ça, c'est très important. Parce que, parmi les raisons, les savants qui considèrent que Ad-Dahr fait partie de l'Asma al-Husna, pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'il faut prendre le texte dans son sens littéral. Al-Dahir. Il faut prendre le sens apparent. Son sens littéral. Et donc, pour eux, le sens littéral, c'est que Ad-Dahr, Allah dit, wa ana ad-dahr. Et moi je suis, littéralement, Allah dit, et moi je suis Ad-Dahr. Les enfants d'Adam m'offensent, ils insultent Ad-Dahr, et moi je suis Ad-Dahr, dit Allah Azza wa Jal. Et donc, Ad-Dahir, c'est que Allah ou Ad-Dahr. Donc Ad-Dahr fait partie de ces noms sublimes. Ça c'est Ad-Dahir. Sheikh dit que nous, on ne s'est pas écarté de prendre le texte selon l'aspect apparent. Pourquoi il dit cela? Parce que fi bab al-asma wa sifat, on doit prendre le sens apparent. Et ça, c'est une règle. Les textes liés au al-asma wa sifat, on doit prendre al-dhahir. Le sens apparent, c'est ça qui doit être considéré. C'est-à-dire que le Coran, on peut l'interpréter, ce qu'on appelle le ta'wil ou le tafsir. On peut l'interpréter. Comment comprendre le fait que lorsqu'il y a les noms et les attributs d'Allah, on n'interprète pas? C'est-à-dire les versets où qu'il y a la mention de nom d'Allah, Azza wa Jal, c'est ce qu'on appelle ayat as-sifat. Ayat as-sifat. Les versets liés aux noms et aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Ce sont ce qu'on appelle ayat al-sifat, les versets qu'on pourra dire de manière relative d'attributs. Les versets dans le Coran où il y a la mention des noms et des attributs, on prend selon leur apparence. Les attributs d'Allah Azzawajal ne s'interprètent pas. On n'interprète pas les versets d'attributs. On le prend, on les comprend selon leur apparence. Et donc, c'est le sens littéraire. Le sens littéraire. Pourquoi les savants disent « Ayat al-sifat » les versets liés aux attributs d'Allah Azzawajal? Pourquoi? Parce qu'à la base, le Coran, on peut l'interpréter. Le prophète a interprété, a commenté, a expliqué, fait l'exégèse des versets. Mais lorsque c'est des versets où il y a la mention d'attributs divins, là, il n'y a pas d'interprétation à avoir. Et c'est pour cela que le grand savant de l'islam, il dit qu'il a cherché dans plus de 100 tafsirs. Il a cherché, le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, il dit, il a cherché dans une centaine de tafsirs, de livres, d'exégèse du Coran. Et il dit, et il n'a pas trouvé un seul rapport qui rapporte que des compagnons du prophète sallam auraient interprété des versets liés aux attributs divins. Et donc, ce n'est pas rapporté. Il n'y a pas de rapport qui remonte jusqu'aux compagnons du prophète sallam qui relate ou rapporte que les compagnons, à leur époque, auraient interprété ayat al-sifat, les versets d'attributs. De ce fait, les versets d'attributs, les textes liés aux attributs divins ne doivent pas être interprétés. On prend selon le sens apparent. لذلك قال الشيخ ونحن بهذا لم نعدل عن الظاهر بل مشينا عن الظاهر بل il dit مشينا عن الظاهر الذي يقتضيه الحال. Mais il dit plutôt, nous, on a suivi cette méthodologie de prendre l'aspect apparent du texte. لكن إذا سب الدهر mais selon الحال, selon les applications, les convenances, selon la convenance et le contexte du texte. قال لكن إذا سب الدهر الذي لا يصرف نفسه وإنما يصرفه الله عز وجل فقد سب الله أرأيت لو أن شخصا صنع ثوبا أحد أكمامه يصل إلى أطراف الأصابع والثاني يصل إلى مرفق فسبنا للثوب سب لمن صنع الثوب يقول. Regardez ce qu'il dit. Il dit en fait, celui qui a insulté Ad-Dahr, celui qui insulte Ida Sab Ad-Dahr, alladhi la yusarrifu nafsa. Le temps, en réalité, Ad-Dahr, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui-même. Alladhi yusarrif nafsahu. Qui s'administre lui-même et qui se gère lui-même. C'est Allah. Donc dans cette considération-là, lorsqu'on insulte le temps, c'est comme si on insulte le Créateur, parce que c'est Allah Azzawajal qui fait ce qu'il veut et décrète ce qu'il veut. Et c'est lui qui alterne ce temps et qui a décrété les événements qui se passent en telle période. Donc de cette considération-là, فَقَدْ سَبَّ اللَّهُ, lorsqu'il insulte le temps, en réalité, c'est comme s'il insulte le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Il dit, par exemple, il dit, as-tu vu, il va donner un exemple. Il dit, lorsque, par exemple, une personne qui a façonné un vêtement, une personne, il a fait un vêtement, et on voit que dans ce vêtement, il y a des manches qui sont différentes. Il y a des manches qui dépassent ses doigts, donc ça a une longueur précise, et l'autre manche n'a pas la même longueur. Donc il y a un défaut au niveau des manches. Et il dit, فَسَبُّنَ لِثَوْبُ. Si on insulte le vêtement, et on remet en cause le vêtement, en réalité on remet en cause celui qui l'a fait, qui a cousu, qui a façonné ce vêtement. Il dit, c'est مِنْ هَذَا الْبَابُ. C'est dans cette considération-là. Et cette considération-là plutôt, qu'il faut comprendre le récit. وعلى هذا لو قال قائل يا دهر ارحمني فإنه لا يجوز. De ce fait, une personne par exemple qui dirait Ya dahr, ô toi, le dahr, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Il dit ça c'est la yajouz, ça c'est pas permis. Il dit ô toi, ad-dahr, maintenant on n'a plus besoin de traduire, ad-dahr, fais-moi, il dit irhamni, fais-moi miséricorde. Fa'innahu la yajouz. Liannahu inna wa ad-dahr dhatahu fa huwa kafirun mushrik. Pourquoi ? Parce que lui, lorsqu'il invoque, il dit « Ô toi, Ad-Dahr, fais-moi miséricorde », alors celui qui invoque Ad-Dahr, en faisant allusion à l'entité même du Dahr, l'essence même, « Zet, Ad-Dahr, fa'ada mushrik », c'est un polythéiste. C'est un mushrik, c'est un polythéiste. Pourquoi ? Parce qu'il a invoqué autre qu'Allah, Azza wa Jal. Il a invoqué autre qu'Allah. وإن نوى الله فقد دعا بغير اسم من أسمائه الحسنى. Par contre, maintenant je vous pose la question, si maintenant lui lorsqu'il dit Ya dahr irhamni, fais-moi miséricorde, si maintenant lui ce qu'il veut c'est pas ad-dahr lui-même, that ad-dahr, mais lui il invente en pensant que c'est Allah. Ya dahr in nawa Allah, lui, lorsqu'il dit cela, lui, son intention, c'est d'invoquer Allah. Son intention, c'est d'invoquer Allah. Qu'est-ce que nous disons ? Qu'il ne peut pas. Pourquoi ? Parce que Ad-Dar, ça ne fait pas partie des noms sublimes d'Allah, Azza wa Jal. Donc, il ne peut pas utiliser Ad-Dar pour invoquer Allah, Azza wa Jal. Donc, de ce fait, vous comprenez bien pourquoi Al-Mabhath, Al-Bahth, fi hadhihi al-mas'ala, c'est muhim. C'est très important. La développer cette question est très importante. Pourquoi ? Parce que si c'est un nom d'Allah Azzawajal, on peut invoquer Allah par ce nom-là. Ça fait partie des conséquences de nos avis. Lorsque, si on a l'avis qu'il fait partie des noms Al-Husna d'Allah Azzawajal, donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser ce nom et invoquer Allah par ce nom. Mais le fait que ce nom, beaucoup de savants ne le considèrent pas, min al-asma al-husna, on ne peut pas invoquer Allah Azza wa Jal par ad-dahr, par ce nom-là. Faqal, wa inna wa Allah faqad da'a bighayri ismin min asma'illahi al-husna, li'annahu laysa min asma'illahi Azza wa Jal. Donc lui, Cheikh, il est fermement résolu. Cheikh, il a une détermination sur cela. Il dit d'une manière très claire que Ad-Dahr ne fait pas partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Wal-Hasil, il dit Al-Hasil, l'important, anna asma Allah ta'ala kulluha husna, ay ala akmali ma yakunu min al-husn, wa fi qawlihi ta'ala, qala Allah Azza wa Jal yu'zin ibn Adam, yusamma mithl hada al-hadith al-Qudsi. Et donc ce hadith-là qu'on vient d'apprendre, ce hadith-là, il dit l'importance est de... Qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette règle, la deuxième règle ? C'est que, premièrement, dans la première règle, on a appris que tous les noms d'Allah Azzawajal sont husna, et dans la deuxième règle, on a appris que tous les noms d'Allah sont des a'lam wa awsaf. A'lam wa awsaf. Des noms propres et des qualificatifs. Traduction approchée. Voilà ce qu'il faut retenir. Dans l'étude ou à travers l'étude de Al-Qa'idatul Ula ou Al-Qa'idat Al-Thaniya. Et pour terminer, il dit... Donc ce récit qu'on vient d'apprendre, un récit très important qu'on vient d'apprendre, et dit ça, c'est un hadith qu'on appelle Qudsi. Le hadith Qudsi, souvent traduit en français par un hadith divin. Un récit divin. Qu'est-ce qu'un récit divin ? Il dit Yusamma mithl had al hadith, huwa ma fi martabati bayna al Qur'an il karim wal hadith il nabawi. Il dit en fait, le hadith divin, il est entre le Qur'an et le hadith prophétique. Son degré, son rang, est entre le Coran et le degré. Regardez ce qu'il dit. Wa fi martabatin bayna al-Qur'an al-Karim wa al-Hadith an-Nabawi. Il est, son rang, c'est entre le Coran et le Hadith prophétique. Wa huwa ma rawahu an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an Rabbihi. Wa wusifa bi hadha at-tamyiz baynahu wa bayna al-Hadith an-Nabawi wa summiya hadithan. Wa summiya hadithan. Donc, qu'est-ce qu'un hadith divin ? C'est un récit, al-hadith al-qudsi, c'est un récit que le prophète Ansem rapporte d'après Allah Azza wa Jal. Qala, wa wusifa bihada littamiz baynahu wa bayna al-hadith al-nabawi. Pourquoi ils l'ont appelé, les savants, ils l'ont nommé hadith al-qudsi divin ? Pour le différencier du hadith prophétique. Pour le différencier, le distinguer du hadith prophétique. وَسُمِّيَ حَدِيثًا. Pourquoi ? Parce qu'il est nommé aussi حَدِيثًا, récit. لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ عَنْ رَبِّهِ فَلَيْسَ هُوَ الْقُرْآنَ الَّذِي نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ. Et donc le hadith divin, ce n'est pas le Coran avec lequel est descendu l'ange Gabriel, l'ange Jibril, عليه السلام. لكن قد اختلف العلماء في الحديث القدسي. هل هو كلام الله لفظا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله عن الله بمعنى؟ فمنهم من قال إنه هو كلام الله لفظا كلام الله لفظا لأن الأصل أن ما أضيف إلى الله قولا فهو قوله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله تعالى فيحمل على أن هذا اللفظ لفظ الله تعالى. وقال بعضهم بل هو بالمعنى ولا حرج أن يقال قال فلان بالمعنى بدليل أن جميع الرسل وأقوامهم يحكي الله عنهم القول باللسان العربي ومعلوم أن ألسنتهم ليست عربيا أو عربية ولا ينطق بالعربية. Donc là, vous avez vu, c'est pour ça que lorsqu'on commence l'étude du livre, c'est difficile d'interrompre la lecture. C'est pour ça qu'on m'a proposé hier de faire un jour le livre Al-Qawa'id al-Muthla et un jour Sifat al-Salah, la description de la prière. Puisque le sujet est très pertinent. Regardez, là on est sorti d'une question relative au nom, Ad-Dar, est-ce que c'est un nom divin ou non ? Pour entrer vers une autre question dans le sens du hadith divin. Quel est un hadith al-Qudsi ? C'est un hadith que le prophète, sallam, des paroles que le prophète rapporte d'après Allah. Et là, l'auteur va nous expliquer. Est-ce que le prophète, sallam, il rapporte les paroles d'Allah dans l'exactitude ? Ou bien c'est le sens de la parole d'Allah, azza wa jal, que le prophète, sallam, nous rapporte ? Donc, est-ce que le hadith divin, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, le prophète l'a rapporté avec exactitude, c'est l'énoncé même, al-lafz, ou bien le prophète rapporte le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est un débat qu'il y a eu entre les savants. Et les savants ont divergé sur cette question. Et là, le cheikh va expliquer cette question qu'on va laisser pour demain, inshallah. Qu'on va laisser pour demain. Enam, ikhtalafu. Naam. Bimarna, est-ce que le prophète sallam, عندما يروي الحديث, هذا الكلام من عند الله عز وجل. Cette parole-là, elle provient d'Allah عز وجل. Mais est-ce que le prophète sallam, يرويه لفظاً, c'est la parole d'Allah avec exactitude, ce sont les mots d'Allah avec exactitude, ou bien c'est le ma'na. C'est-à-dire que le sens provient d'Allah, mais les mots, c'est les mots du prophète, sallam. Ikhtalaf al-ulama fi hadhihi al-mas'ala. Certains savants ont dit, al-lafz, les mots du hadith al-Qudsi, c'est les mots al-lafz provient d'Allah, azza wa jal. Min Allah, azza wa jal. D'autres savants, ils ont dit, non, les mots, c'est les mots du prophète, sallam. Le prophète rapporte le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et Shir, il va expliquer, et il va dire que pour lui, on verra ça dans la prochaine assise, Inch'Allah, il va dire que pour lui, c'est Al-Ma'na. C'est le sens que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporte. Et il va se baser sur des preuves. Il va se baser sur des preuves. Et c'est pour ça que je vous ai dit, la lecture, lorsqu'on commence à lire, elle est tellement intéressante. C'est tellement pertinent ce qu'on lit. Et on a envie de continuer. On a envie de continuer. Donc c'est dur de laisser. Mais, نتوقف عند هذا الكلام ونواصل الكلام في يوم غد. في حلقة قادمة إن شاء الله pour qu'on puisse avancer dans الصفات الصلاة. Ou bien, si vous voulez qu'on continue, on continue. Ou bien, on remet ça à demain. Après, si on voit qu'on n'arrive pas à faire les deux livres dans une seule assise, ce qu'on pourra faire, un jour, le Qawaid al-Muthla, et un jour, le Sifat al-Salah. C'est ce que m'a proposé Abdel Nour. Inch'Allah. Ou sinon, si on arrive, après ça, c'est si, par exemple, on arrive à commencer directement après le Maghrib. Directement après la prière du Maghrib, directement, je pense qu'on peut faire on peut faire deux livres. Sauf qu'il ne faut pas que ça soit trop lourd pour vous aussi. Il ne faut pas que l'assise soit trop longue. إذن نجعل نخصص يوم للقواعد المثلى ويوم تالي لدراسة صفات الصلاة. وش رأيكم؟ أفضل؟ طيب. طيب. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. Donc quand même aujourd'hui on va ناخذ شيئا من كتاب الصلاة. On prend quand même aujourd'hui الصلاة. إن شاء الله.